السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Donc ce cours est le deuxième cours d'explication de hadith sur la foi tiré du chapitre de la foi du livre Al-Jami' al-Sahih mimma laysa fi al-Sahihayn de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous accorde la réussite. Donc le hadith suivant est le hadith de Imran ibn Hussein radiyallahu anhu qui a dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fa yatba'ahu mimma yub'athu bihi min ash-shubuhat aw lima yub'athu bihi min ash-shubuhat » rawahu Abu Daoud. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entend parler du Dajjal, du faux messie, alors qu'il s'éloigne de lui. Car par Allah, l'homme va venir à lui en pensant qu'il est croyant et il se mettra à le suivre à cause des ambiguïtés avec lesquelles il sera envoyé. Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith fait partie des nombreux hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le Dajjal et sa fitna. Dans ce hadith, il a donc ordonné à celui qui entend qu'il est sorti de s'en éloigner, de ne pas aller vers lui et de ne pas se croire à l'abri de ses ambiguïtés. Ce hadith prouve donc également l'obligation pour le musulman de s'écarter de toute chose qui pourrait nuire à sa foi et faire pénétrer dans son cœur des ambiguïtés. Comme le fait d'écouter les gens de l'innovation, de lire leurs livres, de s'asseoir avec eux et de les fréquenter. Ainsi, il est obligatoire aux musulmans de faire toutes les causes possibles pour préserver sa foi, qui est la chose la plus importante pour lui. Et parmi les causes les plus importantes dans cela, le fait de fuir et de s'écarter de toute ambiguïté et de ne pas se croire à l'abri des fitaines. Et certes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve. Ensuite, le hadith suivant est le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu qui a dit غدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة فقال وما ذاك قالوا النفاق النفاق قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قالوا بلى قال ليس هذا النفاق قال ثم عادوا الثانية فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة قال وما ذاك قالوا النفاق النفاق قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قالوا بلى قال ليس ذاك النفاق قال ثم عادوا الثالثة فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة قال وما ذاك قالوا النفاق قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قالوا بلى قال ليس ذاك النفاق قالوا إنا إذا كنا عندك كنا على حال وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلنا قال لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لصافحكم الملائكة بطرق المدينة رواه الإمام أبو يعلى رحمه الله. Il a dit رضي الله عنه, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus un jour et ont dit, ô messager d'Allah, nous sommes dans la perdition par le seigneur de la Kaaba. Il dit, et pourquoi cela? Ils répondirent, l'hypocrisie, l'hypocrisie. Il a dit, n'attestez-vous donc pas qu'il n'y a point de Dieu méritant réellement l'adoration mis à part Allah, seul sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager? Ils dirent, si bien sûr. Il dit alors, Ceci n'est pas de l'hypocrisie. Ensuite, ils sont venus à lui une deuxième fois et ont dit « Ô messager d'Allah, nous sommes dans la perdition par le seigneur de la Kaaba. » Il dit « Et pourquoi cela ?» Ils répondirent « L'hypocrisie, l'hypocrisie !» Il dit alors « N'attestez-vous donc pas qu'aucun dieu ne mérite réellement l'adoration mis à part Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager ?» Ils dirent « Si, bien sûr !» Il dit alors « Ceci n'est pas l'hypocrisie !» Ensuite, ils sont revenus une troisième fois et ont dit « Ô messager d'Allah, nous sommes dans la perdition par le seigneur de la Kaaba !» Il dit « Et pourquoi cela ?» Ils répondirent « L'hypocrisie !» Il dit alors « N'attestez-vous donc pas qu'il n'y a aucun dieu qui mérite réellement l'adoration mis à part Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager ?» Ils dirent « Si, bien sûr !» Il dit alors « Ceci n'est pas l'hypocrisie !» Ils dirent donc « Lorsque nous sommes avec toi, nous sommes dans une certaine situation, mais lorsque nous partons, nous sommes préoccupés par la vie mondaine et nos familles. » Il leur dit alors « Si vous étiez, lorsque vous n'êtes plus avec moi, dans la même situation que lorsque vous êtes avec moi, alors les anges seraient venus vous serrer la main sur les routes de Médine. » Rapporté par l'imam Abu Ya'la. Ce hadith prouve que les nobles compagnons, radiallahu anhum, avaient peur pour leur foi des préoccupations de la vie mondaine. Et ce, jusqu'à même que certains pensent que le fait de s'occuper des choses de ce bas monde était une sorte d'hypocrisie. Ils sont donc allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de cette situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que cela n'était pas de l'hypocrisie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas imposé d'être sans cesse dans la plus complète des situations et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les a également informés que s'ils étaient ainsi, alors les anges leur auraient serré la main sur les routes de Médine. Et ce, car ce sont les anges qui passent chaque instant de leur vie à glorifier Allah, tabaraka wa ta'ala, et à l'adorer sans jamais s'arrêter. Si des hommes étaient ainsi également, alors ils auraient donc été semblables aux anges, et ils seraient avec eux en leur compagnie. Ce qui est obligatoire pour le musulman est donc d'accomplir les obligations et de s'écarter des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cependant, il ne lui est pas imposé d'être sans cesse dans la plus complète des situations de rappel et ni de délaisser toute occupation mondaine. Au contraire, il se doit de donner à chacun son droit, à sa personne, sa famille, etc. Et ce, tout en s'écartant des interdits et en faisant des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an ibn Umar radiallahu anhuma qal صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع يا معشر من أسلم بلساني ولم يفض الإيمان إلى قلبي لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله قال أي نافع ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك رواه الترمذي. D'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar un jour et a appelé d'une voix élevée « Ô vous qui avez cru avec vos langues, mais dont la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, ne nuisez pas aux musulmans, ne les dénigrez pas et ne cherchez pas à suivre leurs défauts. Et certes, celui qui recherche les défauts de son frère musulman, Allah suivra ses défauts. » Et celui dont Allah suit les défauts, il le dévoilera, et ce, même s'il est au milieu de sa maison. Et un jour, Ibn Umar, radiallahu anhuma, regarda en direction de la Kaaba et dit « Comme es-tu grande et comme es-tu sacrée ?» Et certes, le croyant est encore plus sacré que toi auprès d'Allah. Rapporté par At-Tirmidhi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de nuire aux musulmans, et ce, de quelque sorte que ce soit. Et parmi ceux-ci, le fait de les dénigrer et de les rabaisser. Et il a également mis en garde, sallallahu alayhi wa sallam, et informé que celui qui recherche les défauts de son frère afin de les dévoiler et de le rabaisser, alors Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera les défauts de cette personne qui a cherché à nuire à son frère. En effet, la rétribution des œuvres est en fonction de celle-ci. Donc celui qui fait un mal serait éprouvé par ce mal également. Et de la même manière, celui qui accomplit un bien, alors Allah tabaraka wa ta'ala le rétribuera par ce bien de la meilleure des manières. Et c'est pour cette raison qu'il est rapporté dans un autre hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui soulage un musulman en ce bas monde, Allah le soulagera d'une calamité au jour de la résurrection. Celui qui accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté, Allah lui accordera une facilité en ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui couvre les défauts d'un musulman, alors Allah le couvrira en ce bas monde et dans l'au-delà. » Rapporté par Muslim. Il convient donc aux musulmans de faire le bien et d'être bienfaisant envers les musulmans, et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera par le bien. Et il est obligatoire de s'écarter de tout mal et de toute nuisance envers les musulmans, sinon la personne sera rétribuée de la même manière de par la justice d'Allah jalla wa ala. Dans ce hadith, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a également rappelé la grande place du croyant et la très grande importance de respecter son sang et son honneur. Ensuite, le hadith suivant est un hadith rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah d'après Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu qui a dit: لَمَّا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا فِي قُرَيْشٍ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَنْصَارِ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَدَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِمُ الْقَالَةُ حَتَّى قَالَ قَائِلُهُمْ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ إِلَى دِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné ce qu'il a donné à Quraysh et aux tribus arabes, alors que les Ansar n'ont rien eu de cela, ce groupe parmi les Ansar ont ressenti en eux quelque chose. Et ils se sont mis à beaucoup parler, et ce jusqu'à même que l'un d'entre eux dise « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rencontré son peuple. » فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدِ ibn عُبَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيِّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيِّ الَّذِي أَصَبْتَ فَقَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايًا عَطَايًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَمَا أَنَا قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. Sa'd ibn Ubada radiallahu anhu est donc parti le voir et lui a dit: Ô messager d'Allah, ce groupe ont ressenti en eux-mêmes quelque chose contre toi à cause de la manière dont tu as distribué le butin que tu as obtenu et que tu as divisé entre ton peuple et donné aux tribus des Arabes sans que les Ansar en obtiennent rien. Il lui répondit: Et toi, que penses-tu de cela, ô Sa'd? Il lui dit: Ô messager d'Allah, je suis simplement un homme de mon peuple. Il lui dit alors: Rassemble-moi ton peuple dans cet enclos. فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع هذا الحي من الأنصار قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم. Sa'd est donc sorti afin de rassembler les gens dans cet enclos. Il a dit: Certains hommes parmi les Muhajirun sont également venus et il les laissa entrer. Puis d'autres sont venus et ne laissa pas entrer. Ensuite, après avoir été réunis, Sa'd est parti le voir et lui a dit: Ce groupe parmi les Ansar s'est réuni pour toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est donc venu à eux, puis il a loué Allah et lui a fait les éloges comme il se doit. Puis il a dit: Ô vous les Ansar, quelle est cette parole qui m'est parvenue de vous? Vous avez ressenti quelque chose en vous-même? Alam atikum dullalan fahadakum Allah. وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ورسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Ne suis-je pas venu à vous alors que vous étiez égaré et Allah vous a guidé? Pauvre et Allah vous a enrichi. Ennemi et Allah a uni vos cœurs. Ils dirent: À Allah et son messager reviennent les faveurs et le mérite. Il leur dit: Ne me répondez-vous donc pas, ô vous les Ansar? Ils dirent: Et que pouvons-nous te répondre, ô messager d'Allah? Et à Allah et son messager reviennent les faveurs et le mérite. Il dit: Par Allah, si vous vouliez, vous aurez pu dire et vous aurez été véridique dans cela. Tu nous es venu alors que tu étais traité de menteur et nous avons cru en toi. Tu étais abandonné et nous t'avons secouru, rejeté et nous t'avons accueilli, pauvre et nous t'avons enrichi. Awajadtum fi anfusikum ya ma'shar al-ansar fi lu'a'atin min ad-dunya ta'allaftu biha qawman liyuslimu ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم. Avez-vous ressenti quelque chose en vous-même, ô vous les Ansar, à cause d'une toute petite part de la vie mondaine que j'ai dépensée pour gagner le cœur d'un peuple afin qu'il se convertisse, alors que vous, je vous ai confié à votre islam? N'êtes-vous donc pas satisfait, ô vous les Ansar, que les gens repartent avec des moutons et des chameaux, alors que vous repartez à vos demeures avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي لَوْلَا الْهِجْرَةَ لَكُنْتُ مْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ قَالَ فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْلَصُوا لُحَاهُمْ وَقَالُوا رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمًا وَحَظًّا ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقْنَا. Par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, s'il n'y avait pas la hijra, je serais un homme parmi les Ansar. Et si les gens empruntaient une vallée et que les Ansar empruntaient également une vallée, alors j'aurais emprunté la vallée des Ansar. Ô Allah, fais miséricorde aux Ansar, aux enfants des Ansar et aux enfants des enfants des Ansar. Il a dit, après avoir entendu cela, ils se mirent à pleurer jusqu'à mouiller leur barbe. Et ils dirent, nous sommes satisfaits d'avoir comme part le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit et nous nous sommes dispersés. Ce hadith et cette histoire s'est déroulé lors de la bataille de Hunayn qui a été remportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et lors de cette bataille, un groupe parmi les leaders des Arabes qui s'étaient convertis récemment mais dont la foi n'avait pas encore pénétré le cœur ont assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les anciens compagnons. Il leur a donc donné sallallahu alayhi wa sallam une très grande part de butin afin de gagner leur cœur à l'islam, et ce, dans le but de repousser des musulmans à plus grand mal, et dans le but également de les faire aimer l'islam, et que par cette cause, un grand nombre de personnes se convertissent à l'islam. Lors de cette bataille, il ne donna donc rien de butin aux Ansar, en se basant sur la foi présente dans leur cœur, et qui ne peut pas être impactée par les biens de la vie mondaine. Les Ansar, radiallahu anhum, ont donc ressenti en eux quelque chose à cause de cela, et ce, car ils ont également combattu lors de cette bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, car la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin de cette manière ne leur était pas encore parvenue. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su ce qu'ils ont ressenti en eux-mêmes, il les a rassemblés et leur a rappelé les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés de par sa cause. Et il leur a également rappelé leurs grands mérites et le secours qu'ils ont apporté à l'islam et aux muhajiroun. Puis il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, n'êtes-vous donc pas satisfaits, ô vous les ansar, que les gens repartent avec des biens de la vie mondaine, alors que vous repartez avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans vos demeures? Lorsqu'ils entendirent cette exhortation, les Ansar, radiallahu anhum, se mirent à pleurer par joie de ce grand bienfait qui leur a été accordé et également par regret de ce qui est passé par leurs âmes, radiyallahu anhum wa ardahum. Ainsi, les Ansar et autres ont compris la grande sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière dont il distribuait ce butin et partageait ses biens. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également informé que s'il n'y avait pas la hijra et son énorme mérite, il serait un homme parmi les Ansar, et que si les gens empruntaient des vallées différentes, alors il leur a emprunté celle des Ansar. Puis pour finir, il a fait des invocations sallallahu alayhi wa sallam pour les Ansar, leurs enfants et leurs petits-enfants. Parmi les bénéfices de ce hadith donc, premièrement, le fait qu'il ait permis pour l'imam de donner une part du butin à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Deuxièmement, il est recommandé pour le gouverneur et ceux qui détiennent l'autorité d'expliquer aux gens les raisons pour lesquelles ils agissent, et ce, afin que personne ne ressente rien dans leur cœur envers eux et envers leur choix. Troisièmement, le fait qu'il est légiféré de faire des rappels et des exhortations lors des occasions et pour rétablir la vérité en cas de besoin. Quatrièmement, le grand mérite des nobles compagnons, radiyallahu anhum, et plus particulièrement des Ansar, qui ont secouru et accueilli le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, cinquièmement, le fait que d'obtenir des biens de la vie mondaine n'est pas en contradiction avec la foi, et ce, à condition que les œuvres n'aient pas été accomplies dans le seul but d'obtenir de la vie mondaine. Ensuite, le hadith suivant est ce hadith. An ibn Daylami qal لقيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي قال لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك لدخلت النار قال فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك رواه الإمام أحمد. D'après Ibn al-Daylami qui a dit, j'ai rencontré Ubay ibn Ka'b et je lui ai dit, ô Abu al-Munzir, je ressens moi-même une chose concernant ce destin. Parle-moi donc, ainsi peut-être que cela sortira de mon cœur. Il lui a répondu, certes, si Allah châtie l'ensemble des gens des cieux et des gens de la terre, il les châtierait sans être injuste envers eux. Et s'il leur faisait miséricorde, alors sa miséricorde serait meilleure pour eux que leurs œuvres. Et certes, si tu dépensais la montagne de Uhud en or dans le sentier d'Allah, alors Allah n'acceptera pas de toi jusqu'à ce que tu croies au destin et que tu saches que ce qui t'a atteint ne pouvait pas t'échapper et que ce qui t'a échappé n'aurait pas pu t'atteindre. Et certes, si tu meurs sur autre que cela, tu seras en enfer. Il a dit, je suis ensuite parti voir Hudhayfa et il m'a dit la même chose. Puis je suis parti voir Ibn Mas'ud qui m'a dit la même chose. Et enfin, je suis parti voir Zayd ibn Thabit qui m'a rapporté la même chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmed. Ce hadith comporte de nombreux bénéfices et enseignements. Et parmi ceux-ci, l'importance de revenir aux gens de science et de les interroger pour dissiper les ambiguïtés, mais également pour savoir comment agir lors des calamités et des troubles qui touchent la communauté. En effet, dans ce hadith, lorsqu'il a ressenti cette ambiguïté dans son cœur, il est parti interroger les gens de science parmi les Sahaba, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud et Zayd ibn Thabit, et ceci est la voie suivie par les gens de la Sunna de l'époque des compagnons et ce jusqu'à nos jours, et c'est le fait de revenir et d'interroger les gens de science. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait châtié l'ensemble des habitants des cieux et de la terre, alors il ne sera pas injuste envers eux. Et ce, car les créatures sont incapables d'accomplir totalement le droit d'Allah azza wa jal et de l'adorer comme il se doit. De même, s'il leur fait miséricorde, alors sa miséricorde est bien plus grande encore que les œuvres qu'ils ont accomplies. Parmi les bénéfices de ce hadith également, l'obligation de croire à la prédestination. Et certes, la croyance au destin, bon ou mauvais, est un pilier de la foi. Celui donc qui n'y croit pas ne peut pas être musulman et aucune œuvre ne sera acceptée de lui jusqu'à ce qu'il croie au destin. Il est donc obligatoire pour le musulman de croire au destin bon ou mauvais et d'avoir la certitude que tout ce qui arrive est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala de par sa sagesse parfaite et de savoir que ce qui est arrivé ne pouvait pas échapper et que ce qui a été échappé ne pouvait pas arriver. Il a dit tabaraka wa ta'ala: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne sont enregistrées dans un livre avant de l'avoir créé. Et cela est certes facile à Allah. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout présomptueux plein de glorioles. Ainsi se termine le deuxième cours d'explication concise de hadith du chapitre de la foi, du livre Al-Jami' al-Sahih, Mimma laysa fi al-Sahihayn, de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rende profitable et qu'il nous guide vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée. Hada wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.